You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Eh oui, mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode numéro 81 de l'Horror Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro et ce soir, on a une full team. C'est assez malade. Oui. On a une team aussi diversifiée qu'un zoo. On a tout d'abord le petit furet, Steven Lefrançois. Salut Steven. Salut Sébastien. J'étais comme jamais avec le furet, c'est pas... ben, je l'accepte, c'est cool, le furet, j'adore les furets. Okay, c'est bon. On a aussi Papa Ours, même s'il est rasé, Jean-François Tremblay. Salut, JF. Salut. Ouais. Ça va? Oui et non, j'étais un petit peu déçu ouais? À soir, parce que là, tu sais, Steven nous avait dit qu'on ferait un épisode Alligator. Finalement, c'est des films de crocodiles. Je suis vraiment déçu. Je peux même pas mettre la toune du bal masqué du Compagnie Créole dans le podcast parce que... On peut même pas chanter Allez Croco... Ah oui, on peut chanter Allez Croco... Crocodile... Puis hey, c'est pas parce qu'on l'a oublié, c'est juste parce que y a personne à l'autre bout du micro, mais Vicky est avec nous. Salut Vicky! Hey, salut les gars! Non. Elle va mal. Oublie ça. Alors, Vicky, comme tous les dimanches, est au resto et elle vient de recevoir une petite commande de bruschetta. Fait que elle nous cuisine des bruschetta pour nous autres. Non, malheureusement, elle ne livre pas. Mais non, Vicky va être avec nous autres. C'est juste que c'est ça. Ça a l'air que la job n'arrête pas même quand le podcast le plus incroyable. Moi, je dis que quelqu'un. Il y a quelqu'un à tous les dimanches qui va au bistrot. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, je te laisse, c'est rendu moi. Mais il y a quelqu'un qui va au bistrot tous les dimanches vers 8h30, 9h, puis qui dit « Ok, je vais commander quelque chose de long puis compliqué à faire, là, juste pour l'empêcher de commencer son podcast. » Moi, je dis, si vous connaissez le bistrot avec qui, puis vous écoutez le podcast, payez au moins une fois, un mois pour aller voir les lives. Puis allez écouter le live au bistrot. Allez au bistrot puis demandez l'accès au Wi-Fi. Ouais, mais ça aussi, il faut savoir où est-ce qu'est le garde-manger là, pour aller écouter le Vicky faire le podcast. Non, mais non, tu l'apportes puis tu l'écoutes sur ton portable. Oui, okay. Dans le bistrot. Pendant que Vicky, elle est dans la cuisine en train de faire Moi, manger. Je suis tout perdu. Là. Vicky, elle a un restaurant, Steven. Ouais. Vicky, c'est bon. Ah, c'est drôle. Mais non, c'est ça. Fait que donc, elle va revenir. Mais non, c'est ça. Allez au resto le dimanche soir quand c'est l'enregistrement. Puis essayez de déranger Vicky ou faites votre fan numéro 1. Ça va être génial. Puis faites ça la semaine où on fera Misery. ben, écoutez les gars, est-ce qu'on a quelque chose à dire ou on se lance tout de suite sur ce spécial alligator crocodile croco slash je sais pas trop quoi. Ce spécial croco. Spécial croco. Spécial croco. Est-ce que vous avez mis vos crocs crocs dans les pieds? Je sais pas si Vicky a travaillé en crocs. Non, ça reste tout. C'est confortable, mais c'est tellement laid. Ah oui, je sais bien. Moi, quand je vais chez ma Kiro, là, tout le petit panier de crocs à l'entrée, là, plutôt que les pantouflettes, là. Elle, là, avant de rentrer dans son coin où il y a tous ses coussins là, pour écouter le film, là, un petit panier de crocs, ça serait bien. Ben, c'est nice, ça. C'est vrai. Ouais. Ils devraient faire ça dans les cinémas. Hey, parlant de cinéma, non, il faut que je vous le compte, le garde, le temps qu'elle est obligée de combler un peu. Je suis allé voir La Belle et la Bête après-midi, OK, au cinéma à Chicoutimi. Bon film en passant. Okay. Moi, je... Oui. Mais asti de cinéma de marde. Asti de cinéma de marde. Regarde, je sais pas c'est quoi. Marie-Ève a dit c'est peut-être le son qui était mal balancé. Moi, je pense pas. Là, c'est... Il y avait un speaker de sauter dans la salle ou de quoi de même. Là. Mais dans le coin gauche, là, à toutes les fois qu'il y avait des gros sons graves, ben forts, là, ça, c'était dégueulasse. Là. On n'entendait pas les paroles des chansons. Dès que c'était une chanson qui avait un petit peu plus de punch, là, si c'était une petite toune douce, c'était correct. Là. Dès que c'était une toune qui avait du punch, la voix était écrasée par un... Que c'était dégueulasse. Il est rendu à quel âge le cinéma Chicoutimi? Il est rendu il y a 12-13 ans, je pense, facilement. Ah, oh, facilement, regarde. Ils ont-tu fait des Renault depuis ce temps-là? Ils ont-tu changé de Il avait fait des Renault quand ça avait été le temps de sauter au digital là, pour le 3D pour ça. Là. Mais sinon, écoute, moi, ça fait depuis 2003 que j'étais à Chicoutimi puis il n'y a pas eu de Renault côté de ce côté-là. Là. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je pense que ça a fait son temps. C'est très temps qui update ça un peu. Là. Non. J'étais frustré. Là. Je vais écrire justement sur les pages. Je vais dire là, regarde, moi, je paye 40$ un après-midi. On fait garder le petit puis on s'en va un film. Puis je suis obligé de me boucher une oreille parce que pendant les scènes d'action, j'étais comme tabarnouche que c'est désagréable. Puis toujours fait pas de get-out à Chicoutimi. Non, pas mal sûr qu'on l'aura pas. Ils présentaient pas des films en anglais, à un moment donné, à Chicoutimi? Oh oui, les jeudis, mais c'est tout le temps un film qui est à l'affiche, qui est grand public, présente en anglais. Alors quand j'allais présenter, mettons, La Belle et la Bête ou quelque chose comme ça. Là. Ben justement, avec La Belle et la Bête, on est allé voir en anglais, là, parce qu'on est allé voir en version originale. Puis, non, c'est ça. Fait que je pense pas avoir Get Out, à moins qu'un ciné-club dans la région décide de le passer. Ah oh, oui, c'est vrai, ça serait cool. À la limite. Mais non, c'est ça, là, regarde, ça mérite une plainte, puis c'est de dire, regarde, mon 40$, là, je vais aller dans le cul en tapardage. Mais le film est très bon. Le film est très, très bon. Je vais le voir cette semaine. Ouais, ça va à peine. J'ai très, très apprécié des beaux petits ajouts par rapport à l'histoire originale. Le dessin animé original. Et Vicky est là! Oui? Es-tu là? À deux, Vicky, patate, poêle, moutique, là. Vicky, fait qu'on termine notre intro sur le mot de Vicky. OK, mot de Vicky. OK, non. La madame qui crie. Alors, nous commençons ce spécial le Croco avec Lac Placide de 99. C'est l'histoire d'un lac qui est... J'allais dire hanté, je sais pas si hanté, on garde ces mots-là juste pour les fantômes. Donc, il est habité. Un lac qui est placide. Je sais pas, mais il décrivent au début du film pourquoi qu'il l'appelle comme ça, mais c'est pas. C'est genre parce qu'il est sombre puis il n'y a pas beaucoup de mouvement, comme tous les lacs au monde. Là. Fait que j'ai comme pas compris pourquoi lui plus particulièrement que les autres. Bref, ce lac est habité par un putain de Christy de gros crocodile. Il fait combien? Il dit à peu près 30 pieds. Puis, ben, c'est l'histoire de le garde forestier, le chef policier du village, puis d'autres mondes qui décident d'aller. C'est pas clair au début ce qu'ils veulent faire, tu sais. C'est comme vers le milieu, vers la fin du film, ils font hey, finalement, on va-tu le tuer ou le capturer? Fait qu'ils vont là savoir enquêter, mais du monde qui n'ont pas rapport d'enquêter, voir qu'est-ce qu'il y a dans le lac. Un coup qu'ils voient qu'il y a un crocodile, ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette information-là. Fait que tout le long, ils se font tuer le temps qu'ils trouvent qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'information du fait qu'ils ont découvert qu'il y avait un gros crocodile dans le lac. Hey, moi, je vais rajouter ça, là. C'est l'équipe de Jurassic Park. T'as genre le gars cool, Bill Pullman, t'as la paléontologue par Bridget Fonda, t'as Ian Malcolm qui est joué par Oliver Platt. Ça, c'est-tu lui? Ben, je me trompe de gars. Ouais. Donc, c'est Oliver Platt, mais je vois vraiment pas le lien entre Ian Malcolm et Oliver Platt. C'est le gars qui connaît des affaires que les autres connaissent pas puis qui fait son chill. Mais t'as déjà dit le gars cool tantôt. C'est pas lui le gars cool dans Jurassic Park. Goku, ouais, c'est aussi Anaconda, c'est tous ces films-là. Les films des années 90. Ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment un film qui fait partie d'un mouvement, mais ça peut faire partie de nos critiques tantôt quand même, là. Mais c'est un film qui fait partie d'un mouvement. Mais vraiment, pour résumer l'histoire, c'est que c'est assez banal parce que c'est une gang qui... Il y a quelqu'un qui se fait bouffer dans leur lac, puis ils veulent pas croire que c'est un croco. Puis là, finalement, ils se rendent à l'évidence que c'est un croco. Mais c'est ça l'histoire, là. C'est comme, il n'y a pas plus à fêter avec ça, là. Pourtant, il y a beaucoup de dialogues. Ouais, mais tous aussi brillants que les uns que les autres. Ben, en tout cas, fait que moi, j'ai fini mon résumé. Je ne sais pas qui enchaîne pour sa critique. C'est toi. C'est moi? Wouhou! Pour ben, moi, vas-y, tu fais ton avis de cours, puis on passe tout un par l'autre. OK. J'ai manqué tout ce que tu viens de dire, mais j'ai juste compris que je parlais, fait que c'est à mon tour. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que Lac Placide, pour moi, c'est un film... Bon, il est encore en train de s'arracher à la face. Il faudrait vraiment que Sam, tu laisses ta face où ce qu'elle est. J'en ai beaucoup. T'as beaucoup de face, beaucoup de menton, coudon. Hey, ce show-là est vraiment fait pour nos patrons plus que pour... Il y a plus de insight entre show. Le monde qui écoute juste le podcast, ils vont faire ouais, comme, hey, il manque des bouts. Ben, c'est pour ça qu'il faut payer. On le savait pas, mais finalement, on le fait pour ceux qui payent ce show-là. On s'est tout réorienté. Tout ça pour dire que je trouve que La Placide, on revient à notre sujet, c'est un film... un film hollywoodien avec beaucoup trop de budget. Un film de série B avec beaucoup trop de budget. C'est un film divertissant, mais qui a de la misère à ce qui est égorisé parce que ça pourrait pas être un film d'après-midi considérant que les kills sont trop dégueux. Il y a trop de morceaux qui revolent. Fait à cause de ça, ça peut pas être un film d'après-midi, ça peut pas être un film semi-familial. Fait que c'est un film difficile à classer autre que film de créature. Mais c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un chef-d'œuvre. C'est vraiment. Puis c'est pas non plus un so bad it's good. Fait que pour moi, c'est vraiment un série B avec beaucoup de budget. On continue les avis rapides, Steven. C'est moi qui l'avais conseillé pour l'épisode et c'est un film que j'ai vu pour la première fois en 99 et depuis ce temps-là, je l'ai revu. Je sais plus le nombre de fois. J'adore ce film-là. J'en ai rien à chier que c'est pas un chef-d'œuvre. Ça n'essaie même pas d'être un chef-d'œuvre. C'est juste une petite série B de crocodiles tellement le fun parce que le scénario de David Kelly mélange habilement humour noir dans les dialogues que j'adore avec des personnages attachants qui sont vraiment cool, qui ont vraiment une bonne chimie entre eux et entrecoupé d'excellentes scènes d'attaque de croco. C'est en même temps un bon film d'horreur, même si ça vague avec la comédie. Je m'ennuie pas une seconde. La réalisation de Steve Miner est vraiment excellente. J'adore ce réalisateur-là qui nous a offert beaucoup de petits classiques du cinéma d'horreur. Friday the 13th, Part 2, Part 3. Il a fait Halloween H20, un des meilleurs Halloween depuis les originaux. Fait Warlock. Et pour moi, c'est... Ouais, Warlock, ouais. Okay, ouais, j'aime bien Warlock. Mais... Sinon, c'est ça. En gros, c'est vraiment une série B que j'adore et qui me donne toujours autant de fun aujourd'hui qu'avant. Good. Moi, je vais continuer. Moi, je suis pas mal du côté de Vicky. C'est un film que j'arrive pas à saisir. C'est ça. Série B avec gros budget, j'aime bien sa façon de le dire parce que oui, c'est un film qui se prend pas au sérieux parce que tu peux pas dire que ce film-là se prend au sérieux, ça serait c'est épouvantable. Le film a une bonne twist qui fait qu'à un moment donné, il évite de tomber dans une certaine platitude. Moi, j'aime pas les kills parce que oui, ils sont peut-être dégueux, mais ils ont aucune influence ou ils ont aucun impact sur le film. Souvent même quelqu'un meurt, ça cote et on est rendu à « bon, ben, il est mort ». Puis on passe à autre chose. Les dialogues m'emmerdent un peu. Ce qui sauve, certaines dynamiques avec les personnages qui sont le fun, mais genre tout ce qui est romance et tout ça, ça me tape. Mais ça reste un film divertissant, mais non, effectivement, c'est pas un film familial. Monster Feature est une bonne façon de le catégoriser. Jeff? Hey, moi, je suis team Steven. Parce que moi, c'est la première fois que je voyais le film, puis je vais juste faire ça rapide, mais je suis un gros fan de David E. Kelly, puis je suis un fan du travail de Steve Miner, puis je sais pas pourquoi j'ai jamais vu ce film-là. Ça aurait dû aller de soi en 99 de voir ce film-là parce que j'étais déjà un fan de David E. Kelly, de ses séries comme Ally McBeal, puis Chicago, puis tout ça. Puis j'étais déjà, ouais. Je connaissais déjà le travail de Steve Miner. Puis le film, en fait, pour moi, c'est pas un film d'horreur, puis c'est pas, Ben, oui, un peu, là, tu sais, je veux dire, ça reste dans la catégorie horreur, mais c'est vraiment sur l'intérêt, c'est les dialogues. Ça a pris 2 minutes que le film était commencé, que j'étais totalement dedans. J'étais comme, asti que ça me fait rire, les dialogues entre le shérif puis le gars dans le bateau. Puis là, puis tout le long du film, les dialogues, à chaque ligne, ça fesse dans le mille. C'est comme, c'est super drôle. J'ai vraiment adoré comment c'était écrit. C'est vraiment un film d'écriture et non pas un film d'horreur parce que les CGI est dégueulasse. Il était pas vraiment à point en 99, puis déjà des fois en 2017, je trouve que c'est pas à point non plus, mais en tout cas, ça c'est mon problème avec le CGI, mais dans ce film-là, c'est dégueulasse. Oui, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fallait que ça soit ça. Oui, mais c'est une comédie. C'est ça, c'est que j'avais pas l'impression que c'était un Jurassic Park où on voulait rentrer en immersion dans un parc avec des vrais dinosaures. Non, moi, je m'en fous que ce soit mal fait. C'est une comédie, c'est un hybride bizarre entre la comédie et l'horreur. Puis en même temps, c'est pas un Shaun of the Dead, c'est pas. C'est vraiment unique. J'en connais pas d'autres films qui ressemblent à celui-là. C'est vraiment pas le genre à David E. Kelly de faire un film d'horreur. Puis j'étais comme. Ok, je m'attendais pas à ce que ça marche autant que ça. Moi, pendant 20 ans, comme me suis tenu loin de ce film-là en disant ça a l'air poche, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a pensé à écrire ça, mais non, finalement j'ai adoré la petite heure et demie, 1h22, ça a passé vite, j'ai eu du fun avec tous les personnages, surtout Brendan Gleeson dans le rôle du shérif, et je l'ai adoré. J'adore cet acteur-là. Je le connaissais quasiment pas, cet acteur-là, en fait. J'ai checké sa filmographie, je me rends compte que j'ai vu plus 1 million de choses de lui, mais... Ouais. Mais anyway, en tout cas, c'est ça, en gros, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les interactions des personnages. C'est ça le gros du film, là, tu sais, selon moi. Oliver Platt puis Brendan Gleeson ensemble, j'aimerais savoir toute une série de films avec ces deux-là ensemble. Surtout qu'ils partent ensemble à la fin, en tout cas. Spoiler, mais oui. Mais je nous écoute, puis je comprends pas pourquoi on dit Team Vicky, Team Steven, parce que j'ai l'impression qu'on dit toutes la même affaire. J'ai l'impression qu'on dit toutes que c'était super le fun. Non, mais moi, j'ai adoré ça, puis Steven, il adore ça, puis vous autres, vous êtes comme, « Je suis pas sûr. » Ouais, moyen. Ah non, pas tout. Okay. Moi, je dis que c'est un série B avec un gros budget. C'est tout. OK. Parce que, dans le sens où moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de screen tests. J'ai l'impression que ce film-là a passé devant beaucoup, beaucoup de monde avant d'être sorti. Puis c'est pour ça que le dialogue, ils sont aussi fins. Puis que l'histoire d'amour prend pas autant de place. J'ai l'impression que ce film-là a passé devant beaucoup d'yeux puis beaucoup de tests avant de faire « Hey, c'est ça qu'on lance, puis ça va être bon. » Tu sais que le monde l'a vraiment écouté puis en fait « OK, il y a l'histoire d'amour, c'est bien, mais on peut en mettre moins, on peut mettre juste des malaises, pas besoin de kiss à la fin, mettons que je l'ai embrassé, peut-être qu'il y a du monde qui l'a enlevé. » J'ai l'impression que ce film-là a eu beaucoup de travail... post-production qui l'ont amélioré, puis c'est ça, je veux dire, par gros budget, parce qu'il n'a pas été lancé avec toutes les idées premières. Je suis sûre qu'il y a des affaires qui ont été enlevées, qui ont été remises, qui ont été déplacées. Je sais pas. Ben, je pense vraiment... toi... Je pourrais lire des interviews de l'époque, mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment ce que David E. Kelly a écrit dans son scénario original, mais c'est mon impression à moi. Puis la question de l'histoire d'amour... Tu sais, David E. Kelly, c'est pas Joss Whedon comme créateur de série, c'est pas féminisme à 110%, mais ça reste que c'est un féministe aussi. C'est lui qui a écrit Ally McBeal, puis tu peux pas créer une série comme Ally McBeal, puis écrire Lake Placid, puis pas faire de ce film-là un film où que la femme est relativement forte. Elle est pas à sa place dans le main, puis elle le dit souvent, mais ça reste qu'elle tient son bout, puis... Puis Betty White, c'est qui est drôle, son personnage est le fun en tabarouette aussi. Vraiment le fun. Puis, tu sais, l'histoire d'amour, moi, je l'adore. Je veux dire, elle n'est pas chiante, elle n'est pas lourde. Je veux dire, les interactions de Bill Pullman et Bridget Fonda sont. Je les adore. À toutes les fois qu'il appelle madame dans le bateau, puis qu'elle commence à péter une coche parce qu'elle est comme arrêtez de m'appeler madame. Puis. Moi, je les aurais enlevés tous les deux du film, puis j'aurais préféré ce film-là. Bill Pullman puis Bridget Fonda, qui c'est moi là? C'est Oliver Platt puis Brendan Gleeson qu'on veut pendant 1h30. T'sais, Bill Pullman était sur le pilote automatique, puis Bridget Fonda était désagréable. Au plus, des fois, elle était... Ah! Elle me gossait, elle m'énervait tellement. Ouais. C'est comme, mais quel personnage flat qui a pas sa place là, puis... Tu sais, puis Bill Pullman, qui est un gars qui est drôle, puis qui a tout. À part quand il était avec Betty White, c'est là qu'il shinait. Sinon, je trouvais qu'il shinait pas, tu sais. Parce qu'Oliver Platt, puis Brendan Gleeson étaient tellement over tout le monde, tu sais, qu'eux autres étaient comme. Faut pas qu'ils soient drôles tous de la même façon. Je trouve qu'ils ont tous chacun leur force. Puis je trouve que quand tout le groupe sont ensemble, moi, j'aime tous les personnages. Entre eux, les interactions entre justement les quatre personnages qui sont en canot, puis que les quatre se chicanent ou se relancent. Moi, j'adore. Il n'y en a pas un que je trouve plus faible que l'autre. En tout cas, de mon point de vue. Je trouve que les dialogues sont juste tellement naturels et bien écrits que même le personnage, l'acteur le plus fade au monde pourrait être bon dans ce film-là parce que c'est juste c'est bien écrit. Moi, mon seul problème avec la fille, c'est Bridget Fonda en tant que telle comme actrice. Je trouvais qu'elle ne fitait pas dans le rôle d'une New-Yorkaise urbaine, tout ça. Là, mais sinon, puis je l'aime pas vraiment tant que ça comme actrice. Mais sinon, j'ai vraiment aimé les interactions, moi aussi, comme Steven. Là. Mais non, mais moi, je suis. C'est ça, je dis, c'est peut-être entre tout le monde, finalement, parce que moi, j'ai aimé le couple, mais moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont dilué. J'ai l'impression qu'ils ont beurré plus épais, puis que ça a été dilué par la suite. Parce que ça se fait des regards complices, mais. Tu sais, j'ai l'impression juste des plans. Juste des plans de regards complices qui ont été coupés. T'sais, c'est ça, je veux dire. Je trouve que. C'est plus smooth que ce qu'on s'attend habituellement dans un film comme ça. D'habitude, on en met plus. On bat plus c'est épais, on met ça à plus gros caractère. À la fin, ça finit par « je te paye une bière ». Tu sais, ça finit pas par « tiens, on s'en va à mon appartement », là. Ça finit par « je te paye une bière ben ». Oui. Ce qui est franchement bien écrit. Ben oui, c'est mais cool. Pour en arriver là, c'est que c'est dosé. Mais moi, je me dis, est-ce que vraiment ça a été dosé tout le long ou il y en a enlevé pour en arriver là puis ça fasse doser? Ben moi, j'ai pas l'impression que le film a passé à plein de temps à table de montage à se faire remonter puis démonter des scènes. J'ai pas eu l'impression pendant tout le long du film qu'elle trippait tant que... Tu sais, oui, elle avait un œil sur lui, mais en même temps, je pense qu'elle regardait aussi les autres un peu. Mais tu sais, c'était vraiment lui son préféré, mais j'étais comme... C'était pas... clear-cut, c'était pas super net selon moi que c'était allait finir nécessairement avec lui. T'sais. Tu te dis, ok, c'est Bill Pullman, Bridget Fonda, c'est comme les deux plus beaux, oui, peut-être. Là, c'est un peu logique, mais. De toute façon, le film start, puis dès que t'es vont ensemble, tu sais, ok, c'est eux autres le couple de la place. Hein. Ah, je sais pas. Peut-être parce que j'étais déjà fan de l'auteur, j'étais comme, vas-y, let's go, puis tu impressionne-moi, puis j'étais vendu d'avance. Je sais pas, j'ai pas focusé sur des points comme ça, je sais pas. Non, mais tu sais, je vais en montrer un autre exemple. Là. Quand que le chef de police il essaie de frapper le riche, là, bon, ouais. Mais ça court un après l'autre. Tu sais, je veux dire, ça aurait quasiment pu avoir une petite musique de film. il court après avec un bâton pour le fesser. C'est burlesque. Là. C'est excessivement ouais, burlesque c'est drôle, à ce moment-là. Mais c'est très. Mais c'est ça, c'est drôle. C'est bien fait. C'est très drôle, mais je me dis jusqu'à quel point est-ce que ça a été pensé ou il n'y a pas eu un résultat final qu'on a. Jusqu'à quel point on n'a pas fait des tests pour arriver vraiment à cette touche parfaite-là? Mais je sais pas. C'est le style de David Kelly. J'ai envie de défendre l'auteur, mais j'ai envie de dire que c'était tout déjà pensé, puis c'était très tongue-in-cheek en partant tout de suite. C'était pas un film d'horreur. Il voulait pas écrire un film d'horreur typique hollywoodien. Ah, ça, c'est sûr. Parce que c'est sûr que quand tu connais... C'est excessivement dessus. Ça tombe pas dans une ligne ou dans l'autre. C'est direct sa ligne, mais tu sais, pour être direct sa ligne sur plein de points comme ça, je me dis, ce gars-là, il a eu un énorme budget de post-prod pour être sûr d'arriver au résultat auquel il voulait. Moi, j'en dis pas que c'est lui qui est pas bon, mais je dis que sur un plateau de tournage, un réalisateur a pas toujours le dernier mot, et pour l'avoir, faut qu'il le démontre. Et j'ai l'impression qu'il a eu un beau budget pour démontrer que c'était solide ce qu'il faisait. Ouais, je comprends ce que tu dis. Sauf que c'est pas forcément le cas de la Fox. La plupart du temps, ils sont pas réputés pour laisser du temps, surtout pour un film de crocodile. Là. Je crois pas que ça a été étalé sur longtemps. Là. Ouais, je sais pas. Hein. C'est quoi le budget? C'est 35 millions. C'était dans l'air du temps. Là. Ouais. On était avec Anaconda, c'était dans l'air du temps. Là. On était dedans. Avec Godzilla l'année d'avant, tu sais. Il y avait aussi le truc de requin, là, Deep Blue Sea. C'était ouais. Non, mais c'est ça, là, on était dedans, là, fallait. Puis il n'y a pas Congo, c'était pas un gorille ou quelque chose comme ça, il n'y a pas eu des trucs ouais, comme ça. Ouais, mais c'était moins, vieux, c'était, ça. C'était pas Monster Feature, j'ai mais j'ai pas vu, je veux juste dire. Non, c'était mauvais. Ouais, pas mal. Il y a des répliques que j'ai tellement aimées, surtout de Hector Cyr, le personnage de Liver Platt, tu sais, quand il se présente, il dit « Bonjour, je suis Hector Cyr, blablabla », puis le gars dit « Who the fuck, tu sais, who are you? » Je suis Hector Cyr, mais ok, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, ça a l'air qu'il faut que je sois là. Il faut que je parle lentement pour toi, tu sais. Oui. Pas longtemps après, dans le bateau, ah, oui, il commence à parler sur les crocodiles, blablabla, bla, bla, bla, bla, puis il dit « Je suis en train de dire ça dans le vide, là, parce que tout à l'heure, il y a eu de la misère avec mon nom, tu sais. » J'ai tellement aimé cette réplique-là. Moi, j'aime bien, Manu, il parle, puis il fait comme « Mais pourquoi est-ce que l'alligator, le crocodile est là? » Puis il se vire bien doucement, puis il fait « I don't know. Peut-être qu'il va dire quelque chose, tu sais. Non, c'est juste I don't know. La scène cut là-dessus. Tu sais, c'est ça. Ça, c'était trop parfait. C'était trop excellent, ces scènes-là. Fait que quand on retombait dans l'histoire d'amour, tout ça, j'étais comme ah, tu me perds le film. Mais il me remmerdait, tu sais. Okay. J'en parlais tantôt quand on parlera du prochain, là, mais je vais faire une comparaison. Mais. Ouais. Vas-y. Non, vas-y, Steven. Ben ça, je trouve que le film a tellement un rythme d'enfer. Je veux dire, 1h22, puis on les voit zéro passer. Personnellement, je sais, toi, Seb, c'est pas le cas. Là. OK, mais d'abord, je veux dire, l'autre dure 1h27, puis il a paru plus court qu'1h22, celui-là. C'est ça que je voulais dire. Mais non. Mais je sais pas, moi, contrairement à Jeff, oui, le CGI est daté de l'époque, mais je trouve que certaines scènes ont quand même bien vieilli. J'aime bien l'attaque de l'ours. Là. Je trouve que c'est une bonne scène en tant que telle, puis c'est tellement drôle de voir la... C'est surtout la finale, que c'est... quand on le voit au complet longtemps, c'est lettre. C'est vraiment... Ça a l'air d'effets spéciaux de PlayStation de l'époque, là, quasiment. Là. Ben, j'irais peut-être pas jusque-là, mais ouais, c'est quand même daté, ça date de 99. J'aime pas mais le CGI en général, puis je trouve ça laid, je trouve ça très laid. Mais il y a quand même beaucoup de scènes qui sont des effets pratiques. Oui. Je pense à la scène oui, c'est exactement, ça paraît. Mais je pense à la scène où il est dans l'eau avec Oliver Pratt, ouais, et il fait juste avancer. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quel brrr, qui sort vite de l'eau. Puis je pense même aussi, je l'aime beaucoup la scène, ben regarde, on va le dire, là, où il mange la vache. Là. Ouais. Parce que la vache avance vers lui, puis on dirait qu'il est juste comme sur le bord de l'eau, puis comme un chien ou je sais pas trop quoi. Je veux mon adresse. C'est très très cool. Là, la vache qu'ils ont attachée, puis tout, j'ai vraiment l'impression que c'est une vraie vache tout le long. Là. De temps en temps, je suis pas trop sûr, mais il y a des trois quarts du temps, je suis pas mal certain que c'est une vraie. Là. Oui, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de CGI là-dessus. D'après moi, ils ont souvent utilisé une vraie vache pour cette scène. Je suis d'accord de faire d'ailleurs, ça. D'ailleurs, une vache qu'on revoit. Je suis pas d'accord de faire ça pour un tournage, mais en tout cas. Ça veut pas dire que les conditions étaient mauvaises non plus. Non, mais tu sais, c'est juste de déranger une vache pour rien pour un tournage de film. Là, c'est comme d'autres choses à faire que de faire. Je sais pas, peut-être qu'il était d'accord. Elle a peut-être signé. Peut-être. Mais non, mais j'aime bien, par exemple, juste le clin d'œil à la fin, que quand tout est réglé, t'as juste la vache qui repasse bien doucement, comme je suis correct, je suis encore là, moi. La scène est tellement drôle là, parce qu'il y a vu Jim Fonda tout le long du film, à chaque fois qu'elle pisse sur de quoi, elle mange une tête ou un membre de quelque chose, puis à un moment donné, elle tombe sur un orteil, t'as Oliver Platt qui parle d'orteil, puis il peut dire la grandeur de l'homme à cause de l'orteil. D'après moi, c'était un petit homme. Puis pas Oliver Platt, mais Brendan Gleeson qui tombe tout le temps dans les pièges, et ça m'a fait rire, ça. Ouais. Mais... Non, mais c'est toute cette finale-là avec la vache, ce qu'ils attendent. Puis bon, mais qu'est-ce qu'elle a la vache? Je sais plus si elle nage ou si elle vole. Comment qu'elle vole la vache? On dirait qu'elle essaie de voler. Ah, non, c'était cool. Avec cette finale-là, que tout d'un coup, c'est comme Vicky disait, on sait pas ce qu'ils veulent faire. Vont-ils le tuer? Vont-ils le capturer? Puis même à la fin, ils ont de l'air comme fait. On fait quoi, là? Ouais. Mais tu sais, j'ai trouvé un peu ça weird, genre, on veut surtout pas tuer le croco, mais la vache, on s'en sacre un peu. Puis à la fin, le croco, il finit quand même sur un dirou, genre, au gros Christi de soleil, vraiment pas heureux. Fait que je suis comme, mais il est où, genre? C'est juste toi qui n'es pas capable de vivre avec la culpabilité de le tuer, là, rendu là. En plus, que de toute façon, il y en a un autre qui apparaît, puis c'est comme... Il n'y a personne qui fait comme « Ah oh non! » Non, lui, c'était correct, on pouvait le tuer. Ben ouais, mais la vie de quelqu'un est en danger, c'est un petit peu normal, là, c'est le dernier recours. Là. Non, mais... Puis on dit qu'il l'a amené dans un gros bassin dans Portland, le gros. Ouais. Ils vont le mettre dans l'eau. D'ailleurs, qui a vu les sites? Ah excuse Vicky. Non, mais j'allais dire « Je veux bien que tu l'amènes à Portland », mais on s'entend-tu que le voyage est assez pour le traumatiser, le rendre déprimé puis suicidaire, ça, ce petit croco-là? En effet. J'ai filé une Steven que t'as vu les autres. Il y en a quatre, je me suis rendu jusqu'à trois et vous pouvez définitivement éviter ça. Ben, c'est aussi mauvais que les autres. Il y a cinq si tu comptes le versus là, avec Anaconda. Ah, celui-là était le fun, c'est du so bad it's good par contre. Puis la suite, tu passes pas dans le bassin à Portland, non? Non, ben, ça n'a aucun lien. C'est juste d'autres personnages, d'autres crocodiles dans un autre endroit avec du CGI 10 fois plus affreux que qu'est-ce que JF pourrait imaginer. Ça n'a rien à voir avec la finale du film. Non, c'est un direct tout DVD, hein. Fait que c'est des petits films à petit budget vraiment. Moi aussi, poche, j'aurais pensé que ça aurait eu rapport avec le dernier plan du film. Pas le gros sous le truck, mais l'autre avec Betty White. Non, non, il y aurait pu. Il y aurait pu, mais non. Parce qu'il s'était ça, dans le fond. C'était des suites, là. Excuse-moi, Vicky. C'était l'objectif, mais pas au contraire. Moi, je l'ai vu aussi à sa sortie quand j'étais jeune. Puis, je me souvenais pas que c'était Betty White. Puis, Jeff, il écrit « Hey, on va voir Betty White cette semaine. » J'ai fait « Ah, oh, ouais, c'est elle, la petite vieille! » Parce que je me souvenais de la fin. Mais je me souvenais pas de toute son importance du film. Je me souvenais juste qu'à la fin, il y avait une petite vieille qui nourrissait des crocos. Puis, je me souvenais même pas qu'elle était là plus souvent dans le film, tu sais. Tu sais, quand t'es jeune, t'as des un peu de souvenirs. Et bref, je me souvenais qu'elle nourrissait d'autres crocos. Puis quand on disait, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir des suites. Et la publicité sur les suites, c'était vous n'avez pas besoin d'avoir vu le premier. Ah, et d'abord. Mais Betty White est tellement drôle. Elle est tellement drôle parce que Mané, elle sort une réplique genre si j'étais un gars, ça c'est le moment où je te dirais suck my dick. Oui, ah, oui, vraiment. Vraiment. Oh, non, non, elle a vraiment des bonnes répliques. Là. C'est vraiment trippante. Là. C'est puis, quand Mané qui a fait. Je prends plus pour l'alligator que pour les policiers. Es-tu correct? Es-tu une mauvaise personne? J'étais une bande de cocksuckers. Oh, ben, c'est-tu la réplique que je viens de dire, justement, que Brendan Gleeson, il dit « C'est-tu une remarque homosexuelle, ça? » Je me souviens plus c'est quelle passe qui dit ça, mais il m'a tellement fait rire. Ouais, c'est quelque chose de même, ouais, je pense que c'est dans cette même scène-là. Ouais, comme « Ah, tu sais, mon mari, c'est à lui de pas aller trop proche du bord de l'eau, c'est des choses qui arrivent. » Elle dit qu'elle l'a tué d'un coup de poil à frire au début quand elle fait le mensonge, c'est ça, hein? C'est un coup de poil qu'elle dit. Parce qu'il dit, il est où ton mari? Il est mort, ouais, savez-vous ouais. Comment? Ben oui, c'est moi qui l'ai tué. Mais ben là, il était malade, il m'a demandé de l'achever, j'ai donné un coup de quoi, quelque chose dans l'air de la tête. Moi, j'avais l'impression juste de l'avoir avec une poêle dans l'air de la tête. Mais non, je me souviens pas, ouais. Mais c'est pas pour moi, ça a été un gros feel-good movie. Là. Je l'ai regardé ce matin, puis j'ai eu du fun. T'sais, je l'ai pas vu passer. Puis contrairement à Sébastien, je l'ai trouvé moins long celui-là, ben parce qu'il est moins long aussi techniquement que l'autre. Là, mais on en dira tantôt ce que j'ai pensé de l'autre. Mais lui, il m'a vraiment plu de A à Z. Là, j'ai tout aimé. Puis je vais le revoir. Puis j'en aurais voulu plus de Steve Miner puis de David Icali. Je suis comme, waouh, quelle belle équipe! C'est le genre de film parfait pour le temps d'été. Moi, j'adore écouter ça, justement, quand il fait chaud. Là, c'est un bon film d'été avec, le décor dans le Maine. Je trouve ça vraiment nice. Ça me donne envie d'aller dans un lac. Quoique, après ça, ça m'a donné une phobie des crocodiles quand j'allais me baigner. Là. Mais non, moi, c'est comme JF, c'est juste un méchant bon feel-good movie que j'ai du plaisir du début jusqu'à la fin. Puis c'est ça. Fait que vos recommandations, Steven, je laisse continuer. Ben moi, je recommande le Scream Factory. Je l'ai acheté. L'image, c'est pas mal la meilleure que j'ai vue jusqu'à date. Belle édition avec des bonus, puis c'est ça. Jeff, il dirait que tu vois bien les pixels dans le CGI. Ouais, je vois bien les pixels dans le CGI. Vicky? Oui, je suis sûre qu'il existe des coffrets ou des versions vraiment... dans les bernes, là. Puis c'est vraiment un achat pas cher. Je pense pas, ben tu sais, Steven, tu peux me payer le prix que tu veux, là. Mais je pense pas que c'est le genre de film qui vaut une grosse remasterisation avec, Sébastien dit, là, les pixels dans le crocodile. Là, je pense qu'une version à 5$, parce que le but, c'est vraiment la dynamique entre tous ces personnages-là. Là. Fait que, VHS de 99. Ouais, c'est pas jusqu'à ce point-là, là, parce que là, après ça, les feuilles ont l'air jaunes, puis à force d'avoir vu, ça délave. Là. Mais tu sais, vous trouvez une version là, au Tech Géant, comme on dit, ou Walmart, là, ça vaut vraiment la peine. Ben, moi, je vais y aller avant JF. Moi, je l'ai écouté sur Crackle. Écoutez-le sur Crackle. Puis, après ça, vous déciderez. Y avait-tu beaucoup d'annonces? T'as pas lu mon message, Seb? Quand j'ai envoyé sur Crackle, le lien, là, il finissait le lendemain qu'on enregistre. Fait, quand il va être online dans le podcast, il n'existera plus. Bon, ben, écoutez-le pas sur Crackle, puis fouillez une bine d'abord. Mais par curiosité, y avait-tu beaucoup d'annonces sur Crackle? 6 ou 7. Ok, sur 1h22. Ça ne dirait pas plus qu'une minute. Okay. Crackle, c'est vraiment pire que Tubi pour les annonces. Hein? Sur Tubi, tu sais, t'as peut-être deux, à la limite trois annonces, tandis que sur Crackle, j'avais écouté un film, puis il y en avait énormément, puis en plus, il coupe n'importe quand. Durant une scène d'action, bang, l'annonce arrivait, j'étais comme come on, là. Il était coté aux bonnes places dans celui-là, c'était quand même pas si mal. Il y en a peut-être une qui m'a gossé, les autres, c'est correct. Ok, nice. Non, moi, il était vraiment bien coupé, puis il y en avait pas trop, fait que moi, tout, j'ai écouté Crackle. Mais, moi, je le suggérerais bien là-dessus, mais j'avais vu qu'il finissait. Comme je l'ai écouté la semaine passée, puis il finissait 8 jours. Fait que ouais, quand on va le podcast, il sera plus là, malheureusement. Ouais. Mais fils d'Ophélie, ça doit être une ronde, ça doit être. Il va revenir. Bon, ouais, probablement. Mais rendu là, comme je dis, une bande pas chance, ça vaut vraiment la peine. Et JF? Ben encore là, je copie Steven. Je veux dire, acheter le Scream Factory, je pense que ça vaut la peine. Puis je remercie Steven publiquement de m'avoir fait forcer un petit peu à écouter ce film-là pour l'épisode. J'étais achalé pendant un bout hein, avec ce film-là, ouais. Parce que j'étais certain que t'allais aimer ça. Oui. J'ai aucune idée pourquoi j'ai refusé de le voir pendant aussi longtemps. Mais en tout cas, je regrette de ne pas avoir connu ça quand j'étais plus jeune, mais maintenant je le connais. Mieux vaut tard que jamais. Exact. Ben hey, là-dessus, on va passer en musique. Avec, fallait faire, là, écoute, c'était classique, Crocodile Rock, d'Elton John, et woo! On se retrouve après pour Blackwater. Ouais. You're back. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Eh bien, on continue notre spécial croco avec Blackwater, film australien qui raconte l'histoire d'un couple avec la sœur de la demoiselle qui est avec eux, si je ne me trompe pas. Il me semble que j'ai compris que c'était sa sœur, je n'étais pas certain au début, qui sont en vacances en Australie, dans le Nord, qui sont en train de checker quel genre d'activité qu'ils pourraient faire. Fait qu'ils vont faire un petit tour dans une espèce de zoo alligator où que tu peux prendre des photos avec des statues, toutes sortes de trucs vraiment le fun. Et après, ils décident d'aller faire un petit tour de pêche dans les marécages, vraiment en plein milieu de l'eau avec des arbres alentours, aucune terre ferme où qu'ils peuvent aller. Et c'est là qu'ils vont se faire attaquer par une espèce de crocodile alors qu'ils ne devraient plus en avoir depuis très longtemps. Et ça va devenir un jeu de survie alors que tous les personnages vont rester perchés dans les arbres à essayer de trouver un moyen de rentrer sans se faire manger par le crocodile. Alors, ton opinion, Steven, on va y aller vite. C'est moi qui l'avais conseillé solidement aussi à Sébastien, qui l'avait acheté dans le temps, qui ne l'avait jamais vu. je l'ai vu une fois, mais le film m'avait fait une forte impression parce que moi, contrairement à beaucoup de gens, j'aime Open Water. Il y en a pour qui c'est juste plate et qui se passe rien. Moi, je sais pas, j'aimais voir les interactions entre les deux personnages. Ça se veut réaliste, fait que non, il n'y a pas beaucoup d'attaques, il n'y a pas vraiment de gore. Et Blackwater, ben, ça vague un peu dans les mêmes eaux. Fait que pour ceux qui n'ont pas aimé Open Water, je pense pas qu'ils vont aimer Blackwater. Mais moi, j'adore ça. Je trouve que le film tient un bon suspense tout le long. Le décor, je trouve ça vraiment nice. Le fait qu'il n'y ait pas de terre ferme, que c'est juste des arbres. Fait que ça donne vraiment pas beaucoup de choix aux personnages. Je l'ai peut-être un petit peu moins apprécié que la première fois, peut-être parce que je savais aussi que ça s'en allait puis que je trouvais certaines scènes un peu plus longues. Mais globalement, je trouve pour un petit film indépendant, je trouve que les gars ont vraiment fait une excellente job, surtout que globalement, c'est réalisé avec un vrai crocodile pour tout le long du film. Et ils ont réussi à créer quand même un bon film simple, mais efficace sur toute la durée. Fait que non, c'est un bon film de crocodile pour moi. Écoute, parce qu'elle faisait beaucoup de faces, je pense qu'elle a eu le goût de parler. Vicky? Ah non, mais c'est juste parce que Jeff et moi, on a même entendu la même phrase de Steven qui parle d'Open Water qui a fait beaucoup de vagues dans les mêmes eaux. Mais comme... on a comme tout réagi sauf Steven, on sait pas si c'est voulu ou pas, fait qu'on va le laisser dans sa pensée, on le coupera pas. Non, ah oui, c'est voulu. C'est un poète, Steven. Mais désolé Steven, mais c'est une merde ce film, c'est une merde, c'est ah non, c'est imbuvable ce film, c'est mal cadré avec tout ce qu'ils nous proposent maintenant à Discovery Channel puis à Canal D, on voit ça à tous les après-midi, c'est la il y a pas de bain là, mais c'est exactement la même affaire, c'est exactement pareil. C'est mal cadré. Parfois, on se dit « Hey, tiens, on va faire une caméra immersive à l'épaule pour qu'on se sente comme le personnage, mais ça sort de nulle part. C'est mal coupé. Le montage est saccadé quand ils font ça. Les personnages sont pas attachants. Le montage photo du générique de début aurait carrément dû être à la fin parce que je m'en foutais. La musique de fin est désagréable. Ce film... Je m'en rappelle même pas moi-même. Ah non, je t'ai dit, je l'ai écouté juste. Celle-là, je l'ai vraiment en plus près dans ma tête parce que je l'ai écouté juste avant le podcast. Puis je l'ai écouté à une table, mon serveur, il est passé à côté. Il dit, c'est quoi, t'écoutes un clip MTV? Je suis comme, non. Là, il regarde, il dit, OK, fait que c'est un truc de. C'est comme Canal D. Non, c'est un film. Du tout, il en revenait pas. En plus, c'est genre, on veut donner une personnalité au crocodile. Moi, j'ai l'impression, là, tu sais, c'est basé sur une histoire vraie, là. Moi, j'en refais l'histoire au complet, là. Cette fille-là, elle a tué sa sœur puis son chum, qui les a crissés dans un marais. Elle a attendu 3 jours qu'un crocodile les bouffe, elle s'enfuit, puis elle a fait à croire qu'elle s'était fait attaquer par un croco. Moi, je crois pas son histoire. Je ne crois pas son histoire. C'est n'importe quoi. On est dans l'arbre, est-ce qu'on est safe? Ah, ben non. Plein de crocodiles qui sortent de l'eau. Je vous vois! plein de crocodiles qui rentrent dans l'eau. Voyons donc, un crocodile vicieux de même. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, ce film-là ne se tient pas de A à Z, j'ai détesté. C'est pas la longueur du récit, quoique à chaque fois qu'ils prennent une décision, ça prend en moyenne 8 à 12 minutes avant de l'exécuter. C'est épouvantable, mais je vois la comparaison avec Open Water, je dirais quand même évidente. Mais Open Water m'a vraiment moins tombé ses nerfs que ça. Les filles font juste crier tout le long. J'ai détesté. J'ai trouvé ça épouvantable. C'est gros. À chaque fois qu'on veut te faire comprendre que les parents du futur bébé sont en danger, on t'insère un plan du petit bébé qui est dans le bateau, là, l'espèce de... C'est comme sur une hache de char, là, sur un hood de char, là, ouais, on met, mettons, ça. La warrienne. T'sais, comme une espèce de déco de hood de char. Ben là, il y a une déco de hood de bateau, si on veut, puis c'est un espèce de petit bébé en caoutchouc. Puis à chaque fois qu'on veut te faire, on veut te rappeler qu'un des parents d'un futur bébé sont en danger, on fait un insert de ce bébé-là en caoutchouc. Puis pas une fois, là, ça revient 5, si c'est pas 6 fois. Puis comme j'ai compris qu'il y a un bébé en caoutchouc, là. Ah non, j'ai trouvé ça épouvantable comme film, épouvantable. Puis, pardon, Gann, je pourrais juste continuer dans le malaise et le détestable. Alors, on reviendra dans le malaise et le détestable. On va regarder si Jeff va dans la même lignée. Non, moi, je suis plus du côté à Steven. Moi, j'ai aimé le film. J'ai trouvé ça... j'ai jamais vu Open Water. Fait que je peux pas comparer. Mais j'ai vu dans nos commentaires sur notre page Facebook que Marc-Antoine Labonté a mentionné plusieurs films auxquels il compare ce film-là, comme The Shallows puis tout ça. Puis il marque Frozen. Puis Frozen, moi, je l'ai déjà vu. Puis je pouvais comparer un peu avec Frozen, où des gens sont poignés dans un téléphérique toute une semaine. Puis Frozen m'avait terrifié parce que je suis terrifié par les hauteurs. Puis je me mettais à la place des personnages et tout ça. Puis je cherchais à savoir qu'est-ce que moi je ferais dans leur situation. Puis c'est un peu ce que j'ai fait tout le long de Blackwater. Pour le film a marché pour moi parce que tout le long je me suis posé la question qu'est-ce que je ferais dans. Est-ce que j'irais comme la femme qui est enceinte, est-ce que j'irais d'arbre en arbre aller vers la rivière ou est-ce que j'essaierais de pogner le bateau? J'essayais tout le temps de me mettre dans la peau des personnages parce que c'est qu'est-ce que moi je ferais à leur place? Puis oui, ils prennent des décisions un peu stupides, puis oui, tu sais, le crocodile qui les nargue, ça m'a énervé parce que je trouvais que c'était vraiment con. Surtout quand il se passe de quoi au milieu du film? Puis le crocodile remonte avec le corps d'une victime dans sa gueule juste pour les narguer un peu, puis il redescend. Je suis comme, what the fuck? C'est un animal, il pense pas de même. Là. Tu vois trop que c'est un humain qui a écrit le scénario. Mais le plan, il est cool. Oui, mais moi, ça m'a fait sortir un peu du film, du réalisme de la chose, mais son réalisme entre guillemets. Là. Mais non, en gros, j'ai quand même beaucoup embarqué. Je crois pas que c'est vraiment l'histoire qui s'est passée. Puis tu checkes la toute fin du générique, c'est marqué. Même si ce film est basé sur des événements réels, les noms sont fictifs et ce qui arrive au personnage est quasiment fictif aussi. Fait que, t'sais, il n'y a pratiquement rien qui reste là. T'sais. Ah, je l'ai lu, la vraie histoire. Je vous la raconterai tantôt. Okay. Oh, nice. Mais ça, il est bon. Gros, en gros, c'est ça. J'ai beaucoup apprécié. On en parlera plus en détail. Là. Ben moi, je suis de Steam. Je dis de Team GF Steven. j'ai apprécié. J'ai même passé un plus beau, meilleur moment qu'à Lac Placide. Parce que Lac Placide, j'ai trouvé mon temps long là-dedans. Je le trouvais moins long. Parce que Jeff t'a dit exactement ça. C'est que tout le long, le film réussit à faire en sorte que je me demande, je ferais quoi? Puis j'ai écouté avec ma blonde. Puis même que nous autres, on s'astinait pendant le film. Ma blonde faisait comme, mais là, pourquoi il fait pas ça? J'étais comme, mais non, il peut pas faire ça. Blablabla. Ben oui, il peut faire ça. Blablabla. Là, j'étais comme, OK, on est vraiment comme tous les deux dans l'arbre. Puis on est en train de s'astiner. Vous aviez la même manière de parler que le couple, justement, qui s'astine. C'est ça, tu sais. Fait que ça a marché. J'ai pas cru à l'histoire vraie non plus. Là. C'est impossible que quand t'écoutes ça, tu fasses comme, oh mon Dieu, c'est comme ça que ça s'est passé. Ben non, tu sais, le crocodile est beaucoup trop nargueux, puis tout ça, mais tu sais, il y a des scènes que j'ai vraiment trippées. Le fait, Steven, tu l'as dit, que ce soit tourné avec un vrai crocodile, même s'il est rajouté, là, il y a un making-of sur le DVD, ouais. Je sais pas si tu l'as écouté, Steven. Oui, je l'avais écouté. À part certaines scènes où tu fais comme, oh mon Dieu, qu'il est pas avec eux autres, je trouvais que côté efficacité de la présence du crocodile, on y croyait plus que dans Lac Placide. Là. Tu sais, tu fais comme, oh mon Dieu, l'actrice est avec un vrai crocodile. Puis là, tu fais, mais merde, on peut pas. Là. C'est pas comme un lion ou un ours qu'il y a un dompteur ou un dresseur sur un plateau. T'as sûrement pas des dresseurs de crocodiles pour des films hollywoodiens. Là, tu sais. Touche pas sa langue, touche pas sa langue. OK. Je vais laisser s'habituer à vous autres un peu. Okay? Ça, c'est sa balle préférée, là, c'est là. Non, c'est sûr. Sa balle préférée. C'est pas le mot rouge, ça l'énerve. Oups, je l'ai dit. Il manque un bras. Colin, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Il aime pas ça quand il entend le mot action. Fait, action! À chaque fois, il pogne les nerfs. Il aime pas les micros. Puis les caméras. Mais à part ça, on va passer une excellente journée. C'est l'animal que ça vous prenait, c'est celui-là. Oh God. Oh. Mais non, c'est ça. C'est sûr que le film est très tiré par les cheveux à certains moments, alors qu'il se veut quelque chose de réaliste. Mais j'ai réussi à y pardonner parce que il y avait des scènes que j'ai trouvées très, très efficaces. Donc, c'est ça. Sauf que, oui, ces personnages sont pas très, très attachants. Ils ont plus ou moins de profondeur, mais ça m'a moins dérangé, on dirait, que Lac Placide qui essayait de forcer des choses. Je sais pas si c'est moi qui me sentais indulgent, mais j'étais comme... J'embarque dans l'histoire de la fille enceinte qui l'a pas encore dit à son chum, puis tout le long, je me demandais quand est-ce qu'elle allait dire, puis tu sais, je me doutais qu'il allait se passer de quoi, puis que finalement, tu sais, je me doutais que ça allait aller dans cette direction-là, même sans savoir exactement quoi, mais je me posais la question tout le long, puis je sais pas, ça m'intéressait un peu, cette affaire-là. Tu sais, Jeff, moi, ce que je pense, c'est que t'es indulgent parce que t'as quand même écouté Blackwater avant Blackwater. Oui. Oui, puis ça, c'était assez terrible. Ouais, Jeff s'est trompé de Blackwater et ça... Oui. J'ai vu pas comment que ça va se terminer. J'ai voulu voir ce film-là en ligne de manière pas très, très... pas très, très... Légal. Mettons qu'il était difficile à trouver. Il était très difficile à trouver. Puis j'ai pas trouvé le bon film. J'ai trouvé le film Blackwater, en un seul mot, de 2007. Puis c'est un film américain qui se passe en Floride. Moi, j'étais là pendant une demi-heure, j'ai regardé, puis j'étais comme, mais c'est pas supposé être australien, ça. Ils ont pas d'accent. Puis là, je me suis même demandé si c'était pas doublé comme la version américaine de Mad Max, s'il y avait pas genre fait un doublage en américain. Mais non, tu sais. Puis à un moment donné, je me rends compte en sur IMDb que c'était pas le bon film. Je suis comme, calice. Puis en plus, c'était plate. C'était tourné genre en mini-DV. Puis moi, j'en ai vu des films des années 2000 tournés en mini-DV. Mais ça m'énerve, là. À part 28 jours plus tard, tu sais. C'est comme, non, faites pas ça. Moi, j'aime mieux des films sur pellicule ou en tout cas professionnel. Digital mais professionnel, mais là c'était comme c'est tourné par ton mononcle Gérard à son barbecue là, tu sais, puis c'est du jeu de qualité porno, mais pas de scène de sexe, t'as des quatre filles en short dans marais puis tout, mais tu vois jamais de sexe, comme pourquoi j'écoute ça d'abord, c'est comme un porno mais pas de sexe. Puis c'est comme un remake non avoué, ben pas non avoué, mais un semi remake de Deliverance. Il y a beaucoup de scènes qui copient Deliverance. Puis c'est long, puis c'est dol, puis il se passe rien. Fait que c'est sûr qu'après ça, t'étais très, très indulgent pour Blackwater. Ouais, mais j'ai quand même eu du fun. C'est pas Frozen, comme je disais, puis je sais pas pour les autres, pour Open Water, The Shallows, puis tout ça, mais je trouve que ça se défend relativement bien. En tout cas, je la reverrai pas. Je pense pas que je la reverrai. Je vends déjà mes recommandations, mais j'ai eu du fun sur le moment, tu sais. Puis j'ai eu des petits moments de frousse. Le bout, tout ce qui est à la verticale, même si je sais pas si c'est réaliste, il m'a fait faire un saut. Puis. Ouais, tu tiens pas. Qu'est-ce que tu veux dire à la verticale? Quand elle est sur une branche, puis là, il saute. Ouais, oui, c'est très, très vrai. Ma blonde a vu des alligators quand elle est allée en Afrique. Puis, c'était. Tu sais, elle m'a montré des photos. Là, les bassins sont vraiment profonds. Puis, c'est genre, ne mettez pas vos mains au-dessus du bassin parce que ça. Pfiou! Okay. Ça jump vraiment haut. Là. Ça va te snapper une main, ce sera pas trop long. Fait que, comme un raptor. Ben, toute la de toute façon, cette scène-là, quand tu la vois, là, tu sais, puis tu te demandes si c'est réaliste, dans le making-of, tu vois vraiment, ils ont tourné l'alligator, le crocodile sauter haut comme ça. C'est juste qu'ils ont mixé les deux images, là, ça donne de quoi d'un peu boiteux. Là. Puis tout ce qui était venu avant dans les branches, tout ça, avec la scène de l'oreille aussi, j'ai tout trouvé ça assez stressant, même si. Bon, ça reste, c'est pas un gros stress, mais quand même, j'étais comme, elle va-tu glisser, elle va-tu tomber, elle va-tu, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Ah non, Vicky. Je me rappelle la scène de l'oreille, justement. La scène de l'oreille. Hey, il y a une oreille, attention, hey, gros plan, il y a une oreille. C'est comme petite échelle, moyenne échelle, grosse échelle, gros mais c'est pas gros l'oreille qui l'oreille. M'a stressé, c'est plus tout le reste des branches, t'es comme, elle va-tu tomber. Puis, Ouais, mais moi, c'est parce que ça finit de même, tu sais, je veux dire, j'aurais beau être stressé, ça finit par, as-tu vu l'oreille? Elle tape un check entre les branches, non, mais tape un... Ok, tu l'as pas vu, c'est pas grave, je vais te faire un gros plan. Ah non, moi je. Ah non. C'est parce que t'es allé au zoo le matin, tu t'attends pas à ce que ton guide dans ta chaloupe meure l'après-midi, puis que tu vois une oreille qui traîne dans. Tu sais, je sais pas. T'es traumatisé, là. Je cherche une recommandation, puis je vais vous recommander de vous abonner à la télé. Hey, survie animale, mon voyage en enfer, mon voyage a mal tourné, instinct animal. Ouais, mais les autres, c'était en 2007, t'avais jamais vu ça. Il y en a un qui fait... Je suis sûr, il y en a un qui fait un épisode à 14h le lundi après-midi qui s'appelle Crocodile Tueur. Faudrait que je demande à ma mère, elle les écoute toutes, ces affaires. C'est ça. Mais moi, mon chum, il est abonné à Discovery Channel puis Canal D. C'est pas ces émissions-là qu'il écoute, mais parfois, tu zappes et tu pognes ça. Tu sais, t'es en deux trucs ou t'attends une livraison, whatever, t'es chez vous, t'as rien à faire, tu veux pas te partir un film, t'attends comme 5 minutes. Puis tu pognes ça là, voyage en enfer ou survie animale ou n'importe quoi, instinct de tueur, mais animalier. Il y en a plein. C'est tourné pareil. Le scénario est pareil. C'est le montage. Tu sais, je veux dire, il y a plein de fois que la caméra, d'un plan à l'autre, elle faisait des distorsions étranges. Puis j'étais comme, mais voyons, pourquoi mettez un plan de plus entre les deux? Ça va trop vite. Puis ça fonctionne pas. Elle peut pas être là, puis en tout cas. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il y a eu des cotes qui étaient bizarres. Très d'accord. Il y a vraiment des cotes qui sont bizarres. Puis tu sais, il y a une cote comme à un moment donné, elle tombe, la plus jeune, elle va vraiment en dessous de l'eau. Mais la caméra est comme là pour qu'on la voit devant le crocodile. Puis après ça, elle est comme au bout de son bras pour qu'elle tombe. Puis après ça, elle est devant elle. En tout cas, ce bout-là, j'étais là. Même prend comme... C'est con, là, être en dessous de l'eau, là. Mais prends trop respect. Mais tu sais, quand... Ouais, ça va mal. Prends le temps de placer tes choses. Moi, c'est pour ça que je trouve qu'on prenait le temps comme de placer toutes les allées, que toute la montée en scène était placée. Ça en était long, à mon avis, mais c'était quand même placé. Puis après ça, ça devenait super, super, super saccadé. Puis toutes les séquences sont comme ça. Toutes les séquences sont coupées par une scène de mise en place. En fait, c'est une scène de dialogue qui décide qu'est-ce qu'on va faire. Un long chemin pour se rendre à ce qu'on va faire. Puis notre idée a chié, fait que c'est super saccadé pour dire que c'était pas une bonne idée. Puis c'est ça, séquence par séquence. Je te dirais, Vicky, j'ai écouté le making of, puis j'ai compris. J'ai compris pourquoi que c'était saccadé de même, puis c'était mal coté pendant les séquences d'action. Puis c'est niaiseux, c'est qu'ils ont passé une journée avec les alligators ou les crocodiles dans le bassin à tourner ce qu'ils pouvaient, parce qu'évidemment, tu fais pas ce que tu veux avec les crocodiles. Puis j'ai vu dans le making-of comment ils ont tourné certaines séquences, puis tu te rends compte qu'ils ont eu genre ce qu'ils pouvaient. fait que j'ai comme l'impression que d'avoir tourné avec des vrais animaux a eu son effet bénéfique, mais côté montage et tournage, c'est après ça, puis repatcher ça dans le film, ça les a nuis. Puis ça a fait en sorte qu'ils n'ont pas été capables de bien exécuter ces moments-là tout le temps. Encore là, dans Lac Placide, là, quand Gosse de Riche se ramasse dans le lac et il est face à face à l'alligator, j'ai eu beaucoup plus de tension à ce moment-là qu'à bien des moments dans Blackwater. Ouais, on l'a mentionné tantôt quand tu étais parti deux secondes, mais on l'a mentionné ce bout-là. OK. Ouais. Mais tu vois... On l'a aimé, mais tu vois, moi, je l'ai préféré dans Blackwater, ce moment-là. Dans Blackwater, quand ce moment-là est arrivé, je t'ai lâché un Christy de whack. J'ai écouté avec ma blonde, j'ai comme fait « Oh, tabarnak! » Blackwater, tu m'attendais à ce un clin d'œil. Je trouve la plus grande... Oui, vas-y, Vicky. Je déblatère. Vas-y, Steven. Ben, j'allais juste dire que je trouve que toutes les scènes où un personnage doit marcher dans l'eau, je suis constamment sur le bout de mon siège parce que t'as aucune idée d'où c'est que la menace va venir, puis des 30 dernières minutes, c'est quasiment juste ça, là, des personnages qui retournent dans l'eau, puis j'ai beaucoup aimé l'affrontement final entre la blonde sur l'espèce de petite île qui reste. Là, on tombe vraiment dans le film d'horreur là, avec le cadavre à côté et qu'elle va utiliser un bras. Là. C'est comme on laisse le réalisme un peu de côté puis on fait vraiment une finale showdown avec le crocodile. Elle s'excuse. C'est ça. Ouais, elle s'excuse au moins, gentil. Là. Ouais. Hey, voulez-vous que je vous raconte la vraie histoire? Oui. C'est en Australie. Trois gars, il n'y a pas de filles dans l'eau, trois gars qui sont partis faire du VTT dans les... Ouais. Puis, ils sont tombés proche de pas un lac comme ça, mais je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est pas un lac, c'est une rivière, c'est quoi? C'est Un marais. Puis ils ont décidé d'aller se baigner, même si c'était écrit interdiction d'aller se baigner. Puis il y en a un des trois qui s'est fait puncher par un alligator ou un crocodile, peu importe, qui s'est fait manger. Les deux autres ont été obligés de grimper dans un arbre, puis ils ont passé la nuit là à voir et entendre leur ami se faire manger. Puis ils ont été secourus le lendemain parce que ils disaient que l'alligator, toute la nuit, il les a nargués, puis il a attendu qui descendent, parce que, tu sais, je sais pas, justement, quand on écoute des documentaires animaliers, des alligators, des crocodiles, c'est vraiment vilain comme ça, là. Je revoyais une image, c'est bizarre, je sais pas trop pourquoi, hier, où est-ce que t'avais plein de bœufs qui buvaient de l'eau. Ouais. Puis là, tu vois juste, tu fais comme, Simonac, il y a un alligator qui est là, puis les autres, ils voient pas, puis lui, il est juste là, puis il attend. Fait que j'ai l'impression que les alligators ont fait la même chose avec les gars dans l'arbre, en se disant, ils vont finir par descendre. Ils vont finir par descendre. Fait que c'est ça la vraie histoire. C'est juste un fait divers comme ça qu'ils ont extrapolé comme ça. Non, mais ça dit pas que c'est tiré de cette histoire est un fait vécu. Ça dit que c'est tiré de fait. Oui, c'est ça. Mais tu sais, parce que oui, effectivement, comme bien des films, tiré d'un fait vécu, il y a déjà quelqu'un qui est allé manger d'un restaurant. Fait que. Je voulais nommer Ghostbusters, c'est vrai, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui mange un restaurant. Mais Fargo, c'est un des meilleurs exemples. Ouais. Fargo, c'est un des meilleurs exemples. Quand tu te mets à rechercher, finalement, il n'y a pas encore rien de vrai. Là. Puis même les gars, ils font comme, ouais, on a mis ça parce que c'était drôle, là, mais finalement, non, il n'y a rien de vrai. Là. Mais non, c'est ça. Oui. Fait que, c'est juste parce qu'on a un gars, deux filles, une enceinte, mais finalement, c'était trois gars. Ouais, ils vont faire du bateau touriste, de façon touriste. Ouais, finalement, c'est des gars qui ont fait du VTT. Tu sais, pis si, ils ont peut-être été rescue le lendemain parce que justement, on savait où ce qu'il allait. Là, c'était genre sur un coup de tête, on décide d'aller pêcher. Mais les gars, c'est peut-être qu'ils ont dit à leur blonde, on va faire du VTT dans ce bout-là. Fait que le lendemain, leur blonde ont fait comme Chris, on pas revenu, on envoie là. Tu sais, c'est comme. Fuck all, pas le même stress, là. Je suis désolée, là. Parce que les filles en haut de l'arbre, si je peux leur donner une chance, c'est que personne sait qu'ils sont là. Non, puis ça fait partie du débat, tu sais, du débat de qu'est-ce qu'on fait, là. Tu peux pas attendre, parce qu'il y a personne qui va venir, fait qu'il faut t'essayer quelque chose. Puis les deux solutions qui sont proposées par le gars et l'autre femme, ben, les deux sont dangereuses, fait que... C'est deux solutions de marre, tu sais. Puis quand tu te réveilles le matin, j'étais comme, hey, moi, quand je me réveille le matin, j'ai faim, là, fait que les autres, ça fait 24 heures, genre, qui n'ont pas mangé, ils vont commencer à être faibles à un moment donné, fait qu'il faudrait qu'ils fassent de quoi avant d'être trop faibles, puis d'avoir envie trop envie de pisser, puis de chier, puis de ci, puis ça, puis de... Ben oui! Puis juste d'avoir trop faim, là, ils ont soif. Ils disent tout le temps dans le film qu'ils ont soif, mais ils disent pas qu'ils ont faim. Moi, j'aurais faim, là, à un moment donné, là. Ouais, là, tu sais, c'est l'idée que, oui, plus t'es faible... La run jusqu'au bateau va devenir de plus en plus dure. Si tu marches les branches, tu vas risquer encore plus de tomber. Là. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, c'est vrai. Mais, petite remarque vite de même. Je pense que dans le montage, je vais m'amuser à changer. Toutes les fois que Seb dit alligator, je vais marquer crocodile. Je vais dire crocodile. Ouais, hein, c'est fou. Hein, c'est marqué sur Wikipédia que c'est un crocodile, puis Lac Placide, c'est un crocodile. Fait que, ouais, je sais bien. Utilisons les bons mots. Je suis incapable, de dire crocodile. Je suis tout le temps alligator qui s'en Quand je vois, j'ai un zoo pas loin de chez nous, puis quand j'amène du monde, puis qu'il y a des wallabies, puis tout le monde dit, oh, les beaux kangourous. Je suis comme, non, regarde sa pancarte, c'est marqué wallabies. Utilisez les bons mots. C'est quoi un wallaby? C'est comme un kangourou, mais c'est un wallaby. Bon, ben écoute, c'est un kangourou, Colin. Non, parce que ça a un caractère plus gentil qu'un kangourou. Ouais, bon, moi, j'ai mon ami qui travaille au zoo. Ils s'approchent, ils s'approchent pas de nous autres, mais ils ont l'air plus sympathiques. Au zoo de Granby, ils sont limpes et ils peuvent s'approcher, mais pas les kangourous. Mais les wallabies. Ils boxent pas? Non. Non. Ils boxent pas comme les comme. Puis crocodile, ben t'as, tu checks sur Wikipédia, t'as crocodile, alligator, puis caïman aussi. C'est dans oui, caïman. Famille. Ah, puis tu vois, ma blonde, c'est des caïmans qu'elle a vu, c'est vrai. Fait que là, quand tu vois, il y a rien de vrai dans ça. Ça dépend que j'ai des filmé. Zones géologiques. Là, c'est inspiré de des. Géographique, j'ai dit. Ouais, ça dépend des lieux. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, comme j'en reviens sur ce qui tantôt disait sur les. Télé-réalité, c'est un détail, mais tu sais, c'est ça. V'là 10 ans, le monde n'avait pas vu toutes ces télé-réalités-là nécessairement. Fait que, tu sais, on était peut-être moins insensible comme on est à cette heure à toutes. Tu sais, on a tout vu à la TV. Il y a toutes des télé-réalités ouais, sur mais... toutes. Fait que. Mais je l'ai pas écouté v'là 10 ans, je l'ai écouté aujourd'hui. Non, je sais, mais les personnages, eux autres, les personnages avouent l'oreille, comme je disais, en tout cas, je me répète, là, mais tu sais. Ouais, tu parles du montage, parce... là, tu parles de la manière. Ouais, tu parles du traitement de l'image, je peux comprendre. Non, je parle du okay. traitement du personnage. Si elle panique parce qu'elle avait une oreille. Mais moi, ça me dérange pas là, qu'elle panique parce qu'elle avait une oreille. Là. Non, moi, j'étais pas qu'elle panique. C'est la manière que le montage est fait. Okay, okay, c'est vraiment... T'sais, c'est ça, je veux dire. C'est le montage qui est grossier. Qu'elle panique, c'est normal. Si y a une oreille à terre. Okay, de toute façon, pourquoi regarder plein de films de James Wan ou de fantômes? On peut écouter Hantise à Canal D. Parce que c'est pas le même enfer, parce que Hantise à Canal D, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Ben, ils filment ça comme un film de fantôme qu'on a vu. Hey, comment, là, Steven, ton argument est rejeté. Non, et autre, ben a... non. Moi, je trouve que Blackwater a pas de style. Je trouve qu'il a pas de style. Je trouve que c'est un style MTV. Je trouve que c'est un style mal fait. Mais les regarde films de l'autre fantômes, Blackwater. Ils... Tu reviendras. Ben, je pense qu'il y a pour un côté style faux documentaire, justement, pour un aspect plus réaliste du film. Ça a un côté plus immersif. C'est, d'après moi, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Lui, à côté de l'autre, là, lui, c'est du Stanley Kubrick. Là. C'est... Non, mais il est mal fait. Je suis désolée, mais moi, je le trouve vraiment mal fait. Je n'aurais pas gardé à me faire convaincre autrement. Je le trouve vraiment mal fait. Tandis que ça fait longtemps que j'ai pas vu de film de fantômes. Mais tu sais, je vais y aller avec Conjuring parce que c'est le qui me vient le plus évident. Il y a une mise en scène, là. Il y a une fiction, ben oui. Il y a une mise en scène. C'était juste une manière de relier, là. Je voulais faire une blague aussi, là. Faut avec pas les prendre transitions ça, avec des libellules et des fourmis, t'as pas aimé ça, non? C'était-tu dans ce film-là ou c'est dans l'autre? Mais c'est dans celui-là, il me semble. Que ça commence avec une bébite qui revire sur le dos, qui est sur le dos, puis qui revire devant. Il y a ça, mais il n'y a pas des gros plans de libellules aussi, des trucs comme ça. Mais c'est dans l'autre film, je me mélange peut-être, j'ai vu tous les deux. Non, oui, c'est dans Black Panther. Il y a des fourmis à un moment donné qui transportent un truc aussi. Puis, ouais. Moi, l'Australie, ça me fait freaker parce qu'il paraît qu'il y a tellement des insectes fuckés puis tout. Là. Oh, man! L'Australie, ça, là, ça m'a fait rire au début en voiture quand il arrive, puis il y a un petit lézard qui se lève, puis. Tu traverses la... Ouais, puis c'est comme un dilophosaur dans Jurassic Park. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon bout préféré parce qu'on aurait dit que c'était Jurassic Park. Tu vois, c'est pour ça que j'étais vendu au film. Au début, j'ai fait comme « c'est Jurassic Park ». Fait que là, après ça, j'étais comme... Je me dis que le film essayait de faire un petit commentaire sur les zoos aussi, sur les manières, les aquariums puis tout ça, tu sais, avec les crocodiles qu'on voit tout en... Était-tu empaillé? Ouais. Ben, il était tout vivant. Je ne suis pas sûr s'il était mort ou vivant. Ceux qu'on voit tout en lignée, là, à un moment donné. Je pense qu'il était vivant. OK. Mais il était juste immobile. Ouais. Non, excusez. Hello. Vas-y, Vicky. C'est parce qu'on me disait que je n'entendais pas bien, fait que je vais prendre un délai avant de... C'est parce que quand on parle, on t'entend. C'est assez de parler. Oui, c'est ça. Ouais, t'as réagi à mon truc de Jurassic Park, puis je te voyais, ça avait l'air vraiment drôle, j'ai fait comme « Oh, j'entends aucunement ce que c'est de ma faute quand je parle à son couple, je pense. Ah, c'est de ta faute! Je depuis le début! C'est parce que c'est moi qui ai starté la conversation, puis que j'enregistre. Je pense que c'est juste une question technique. On dirait Jurassic Park. OK. OK, mais en tout cas. Non, mais il y a eu du chaos. Oui, oui, ça va, ça va. Non, mais j'attends que vous ne parlez pas un peu comme la semaine dernière. Là, je prends une pause avant d'intervenir pour pas que ça coupe à toutes les fois. Là. Mais non, moi... Et là. Ben, écoutez, est-ce qu'on a besoin d'en rajouter? Parce que là, c'était... Je pense que c'était l'argument qui se joue. Ouais. C'est la transition sonore. C'est la transition vers la chanson. Et là. Et maintenant... Non, je pense que c'est la chanson. C'est la chanson. Moi, je le sais. On devrait chanter. Il y avait des crocodiles et des orangs-outans, des joyeux reptiles et des jolis moutons blancs. Il y avait des chats. des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, pas même les deux lions et la jolie licorne. Non, non, non, non, non, recommence plus jamais. Je vais aller me tuer la liste. Ah, Elliot adore cette chanson-là, c'est cette pire. Mais là, connaissez-vous les gestes? Moi, je la connais avec les gestes en plus. Oui, mais nos Patreons l'aimeraient peut-être. Bon, fais les gestes pendant que vous faites la transition musicale. Non, mais vos recommandations, les amis. Ben moi, ben, abonnez-vous qui... à Belle Télé. C'est bon. Vicky a dit, payez-vous le câble. C'est probablement la recommandation la plus chère qu'on a eue depuis le début de l'année. Je préfère des coffrets Steven. Chiale que Steven veut un Blu-ray à 16 pièces comme paye-toi le câble. En plus, une émission de survie pour un poste. En plus, c'est sûr que c'est des postes qui viennent pas sur le bundle de départ. Oh, faut que t'en payes un à 25$ pour avoir 50$ de câble pour mais regarder là, du monde manger, être mangé par des crocodiles. Mais là, là, des trucs de crocodiles, tu vas en avoir un et un autre, puis tu vas savoir quoi faire quand ça va t'arriver. Puis tu vas même écouter Antise. Ouais. Steven, ta recommandation? Ben pour moi, comme c'est pas le meilleur film de crocodile, comme peut le mentionner Denis Champagne, je préfère Lac Placide, mais je recommande un DVD si vous le trouvez quand même pas trop cher, là, je dirais à 6-7$, parce que pour les amateurs de films d'animal, attaque animale, je trouve que c'est un solide candidat et il mérite une place dans une collection. Ok. Moi, je l'ai payé 7 ou 8$ à l'époque. Je pense pas que je paierais un gros DVD ou quoi que ce soit. À ce prix-là, c'était correct. Ça a valu son écoute. Je pense pas le réécouter un jour, mais j'étais content. On a justement David Michaud là, parmi nos patrons qui dit le film s'écoute bien, mais à la deuxième écoute, il en perd un peu. Ouais, c'est ça qui est arrivé. C'est vrai. Jeff? Ben justement parce que le film a peut-être pas un gros degré de réécoutabilité, je dirais une location, ben plutôt un genre Netflix, tu sais, il sera jamais peut-être sur Netflix, ouais. Mais mettons un Tubi ou un Crackle, s'il était là-dessus, là, ça serait ce genre d'affaire-là, du streaming, là, tu sais, pour une fois. Là. Good, good, good. Donc, on va y aller en musique avec Vicky, et on se retrouve après pour la conclusion. Il y avait des crocs. Ok, parce qu'on veut vraiment vous épargner les oreilles, puis on a le goût que vous restiez avec nous jusqu'à la fin du podcast. On passera pas en musique avec Vicky. On va plutôt y aller avec Skippy, la chanson thème. Finalement, on n'a pas le goût que vous restiez. Mais ça dure pas longtemps, c'est une minute gros max. On s'en va tantôt. De retour pour cette conclusion. On s'excuse encore pour ce Skippy, mais que voulez-vous, l'Australie, on connaît pas ça, fait que on utilise des vieux clichés. Hey, et on peut pas se laisser sans oublier nos valeureux patrons qui ont droit à le shout-out. J'ai nommé Tommy Gagné, Tommy Boy, salut Tommy! Tommy! Et notre cher Marc-André Lavigne. Marc-André! Marc-André! M.E. Marco! Divine! Marco! Et tous les autres qui nous ont écoutés live sur Facebook et qui ont pu entendre, ma foi, énormément de choses que vous n'entendrez pas pendant cet épisode. Mais sérieusement, je sais qu'il y en a certains qui ont dû travailler leur vessie pour pas que ça se vide. Puis, ben, si vous voulez faire partie de ces gens-là pour les prochains épisodes, c'est facile. Vous vous rendez sur patreon.com/horrorgamer et vous pouvez faire un petit don là-dessus et obtenir plein de goodies. Et nous, ça nous aide pour le podcast. Hey, les amis, vous avez sûrement des recommandations pour des films d'alligator ou de monstres des années 90, quelque chose comme ça. Steven? Ben, en premier, je vais surtout recommander à JF et Sébastien et non Vicky parce qu'elle risque de détester ça autant, mais je vous recommande The Reef, des mêmes réalisateurs que Blackwater. C'est le même genre de film, mais version requin avec un requin blanc. Et ils ont vraiment tourné aussi de la même manière. Ils ont incrusté les images, sauf que techniquement, c'est un film beaucoup plus abouti. Fait que je vous le conseille. Sont-ils tous les trois dans un arbre? Non, ils sont au milieu de l'océan. Dans un arbre? Non, il n'y a pas d'arbre. Okay. La fille arrive d'être dans un arbre et c'est pas mieux à se trouver avec un crocodile. Non, sérieusement, je recommande Rug du réalisateur Greg Mettling, réalisateur de Wolf Creek 1 et 2. C'est un film australien aussi, fait qu'on reste dans la thématique. Et l'histoire est assez similaire. On va suivre un groupe de touristes qui vont aller visiter un peu les contrées, voir des alligators un peu partout. Et malheureusement, ils vont se faire attaquer par un crocodile 30 fois plus gros que celui-là que Blackwater et peut-être même de Lac Placide. Fait que niveau réaliste, c'est pas le but, c'est juste d'offrir un putain de gros spectacle. Et les touristes vont juste essayer de survivre dans tout ça. C'est un film super efficace, bonne série B. Le CGI est de meilleure facture et la finale est vraiment nice. Fait que si vous avez envie d'un film dans le même genre, ben, c'est un film de crocodile très efficace. Cool. Je vais y aller avec ma suggestion. Moi, je vais à l'opposé de Steven en vous suggérant Megapython versus Gatoroid. C'est tellement fun. Hein? C'est tellement le fun, ce film-là. C'est tellement le fun. Okay? Dans tous les films de The Isle Asylum, là, passés sur Sci-Fi, avec un monstre contre un monstre, c'est mon préféré. Parce que ça n'a aucun astuce de bon sens comment ils vont over the top. Puis en plus, t'as Debbie Gibson puis Tiffany qui font les deux rôles principaux. Je me souviens plus qui joue qui, là, mais il y en a une qui est une activiste pour l'environnement, mais finalement, c'est eux autres qui foutent leur trouble. Puis écoute, t'as des cascades du que tu sais, Tiffany qui chauffe le char, mais quand elle saute en bas du char, tu vois que le gars n'a même pas pris la peine de mettre une perruque comme elle. C'est vraiment... Tout est mal fait, mais c'est tellement le fun. Puis ça se finit en quatre fêtes entre les deux dans un grand repas à l'extérieur. Mais tu sais, le combat entre les deux qui se font un genre de quatre fêtes dure au moins 5-6 minutes. C'est quasiment plus de temps que tout ce que tu as vu en effets spéciaux autour. C'est vraiment génial. Là. C'est le premier film de ce genre-là que j'ai écouté à l'époque pour m'initier. Puis c'est lui qui m'a donné la piqûre de ces versus-là. J'ai eu plus de fun à écouter ça que Sharknado. Là. T'as une scène mémorable. Ouais. La scène mémorable, c'est sûr que tu vas te rappeler, Sébastien, où que on est dans une espèce de mariage full de monde, puis il y a le crocodile qui s'en vient attaquer, et ça donne que tout le monde au mariage sort des flingues de leur poche, puis commence à flinguer le crocodile, mais tout le monde. C'est un mariage de la mafia, là. Moi, j'ai trippé, là. C'est génial comme film. C'est réalisé par Marie Lambert, celle qui a fait Pet Sematary 1 et 2, ce qui est totalement le C'est vrai? Oui. C'est vrai? Ben oui, regarde-toi. Ah, c'est encore plus drôle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Vicky? Hey, moi, j'ai zéro recommandation. Je pourrais aller dans ta lignée, mais tu sais, moi, mettons, Open Water, ça me fait pas triper à ce point-là. D'un film, je suis pas une fille de créatures, genre tout ce qui est requin, tout ça. Puis, tu sais, j'ai aimé Anaconda et Lac Placide. C'est à peu près les deux seuls que j'ai aimé autant jeune qu'aujourd'hui. Mais, tu sais, j'irais pas jusqu'à recommander Anaconda, là. Fait que j'ai comme pas d'idée. Là, je t'écoute aller avec un So Bad It's Good. C'est ce que je comprends. J'en ai un aussi. Mais, tu sais, il est même pas si génial que ça, là. C'est le Two-Head Shark, là, avec Brooke Hogan. Il est drôle, mais, tu sais, faut vraiment être dedans puis être avec des amis parce que tout seul, tu le trouves pas drôle. Fait que j'ai vraiment... C'est pas mon. Je pense que c'est pas mon sujet. Puis les deux seuls films de sujet-là, tu sais, Lac Placide qui est bien, puis Anaconda que j'irais pas jusqu'à recommander, à moins que tu veuilles voir J-Lo. à ses débuts avec Ice Cube. J-Lo Ice Cube sur un marais. Bon, on y va avec Anaconda. Je pensais que tu allais nous recommander Canal D et Attaque Animale. Oui, Canal D, Attaque Animale. Je suis sûre qu'il y a des reprises sur leur site internet à chaque semaine. Alors, si ça vous intéresse. Alors, dans Anaconda, j'aime bien la scène où ce que leur bateau finit par se déprendre du skier, mais quand tu regardes, c'est juste la tête qui était mise à l'envers, puis en arrière, il y a une chute, puis tu vois l'eau remonter. C'est oui, de c'est toute vrai. Beauté. C'est de non, tout, mais tout, tout, tout. C'est ça, tu sais, c'est pas un grave film, c'est un divertissement. La Placid est effectivement mieux écrit, mais Anaconda fait un peu plus peur. Ça, c'est mon opinion. Et c'est ce qui essaie de. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sens que c'est plus là-dessus qu'il s'enligne, je pense. Ben, Anaconda a plus de scènes de nuit, tu sais, de scènes huis clos que Lac Placid. Lac Placid, tu sens moins un huis clos, tandis que Anaconda, tu sens quand même une espèce d'enfermement. Tu sens plus pris au piège. Là, c'est qu'ils veulent faire de quoi avec le crocodile. Ils n'ont pas trouvé encore quoi dans Lac Placid, mais ils ont comme un objectif avec ce crocodile. Tandis que dans Anaconda, ils sont comme poignés, puis ils disent si on arrête. Bon, on est autant poignés. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a plus un huis clos dans l'un, mais tu sais, je veux dire, c'est pas un grand film non plus, on s'entend. OK. Écoute, Vicky, c'est... Sa suggestion, c'est... Je vais aller à Anaconda 2 et Detroit. Mais tu sais, je suis souvent en Anaconda sur AMC, là. Fait que si vous avez AMC pour Walking Dead, ben... Pognez-le, vous allez pogner une fois de temps en temps. C'est Armageddon, Anaconda, ça joue là-dedans. Fait que ça, c'est cool. T'as-tu dit Walking Dead ou t'as dit Walking Boring? OK, j'ai rien. Jeff? Ouais, mais je continue à dire que l'intention n'était pas la même pour les deux films. C'était pas l'idée de faire un film d'horreur, je pense, avec Lake Placid. Non, je pense pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, Jean-François. Moi, j'y vois totalement différent de vous autres. J'ai pas pris de film de monstre, mais j'en parle depuis tantôt, David E. Kelly. Fait que juste mentionner deux séries que j'ai beaucoup aimées de lui, puis il y en a plein d'autres qu'il a faites. Mais je vais les montrer à l'écran pour les Patreons. Mais Chicago Hope, qui des années 90, c'était ma série préférée des 6 saisons. J'ai été toutes vues, puis j'adore ça. Puis ben, Ally McBeal aussi, qui est pour moi un classique des années 90, un incontournable. Puis sinon, ben, si vous voulez vraiment des films de, un film de monstre, un film de créature, de bébite, je dirais Big Ass Spider. C'est le fun à mort, puis on a un duo vraiment trippant là-dedans. Fait que ça vaut vraiment la peine. D'accord. Nice. Écoute, jamais j'aurais pensé qu'on suggérerait Chicago Hope à la fin d'un épisode d'Horror Game 1, mais ça prenait juste JF pour le faire. C'est ça, puis... fallait compter sur JF pour faire ce genre ouais, de puis chose. Tu vois, regarde ça me donne un signe. Là, c'est... Je pense que JF, il est dit pour un break. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, vous me mettez à la porte. Mais non, mais c'est un peu des blagues, mais c'est une belle façon de l'amener, ça, JF. Ben oui, on est... Prends un break. Ben oui, on enregistre là, le 26 mars. La date de naissance prévue de mon enfant, c'est le 15 avril. C'est dans pas long. Puis si on calcule, le prochain épisode va tomber genre le 9 avril. Fait que là, pour les prochaines semaines, je voudrais me tenir loin des podcasts, autant du bras de faire des films que d'horreur gamer, juste pour me donner un petit peu un break, puis nous préparer, moi et ma blonde, à juste attendre le bébé. Puis après son arrivée, ben je vais voir comment ça va aller, ça va être quoi la nouvelle routine. C'est tout nouveau pour nous autres, fait que j'ai aucune idée à quoi m'attendre exactement. Fait que... Mais je veux pas me tenir trop loin des podcasts, c'est trop longtemps, je veux dire, mais je vais prendre quand même un petit break, là, fait que... Mais le bras de fer mourra pas non plus, on a une idée, une solution pour le pour que Steven puisse continuer et non pas tout seul, parce que Steven tout seul, ça serait dole à mort, là, mais... Ouais, je sais. Je sais. Ouais, écoute. De toute façon, Steven, si tu le laisses tout seul, il va lâcher le bras de fer, puis il va aller faire des séances de minuit à la place. Steven, parle-nous donc de ça. Ben, les séances de minuit, qu'est-ce que tu veux que je dise au juste, Sébastien? C'est quoi? Alors, ou juste c'est quoi le prochain épisode? Prochain épisode. Parle de toi. Ah, ben c'est parfait. Ben, séance de minuit pour un petit rappel, c'est le podcast avec Marc-Antoine Lambeauté, ex-podcasteur d'horreur web, et Jean-François Ouellet, où qu'on s'attaque au cinéma de genre. Et on a sorti deux épisodes rapprochés dernièrement. On a fait une petite séance express qui est en dehors de nos épisodes réguliers où on parle de l'anthologie féminine XX. Fait que pour les amateurs d'horreur, c'est un bon épisode. Et on vient tout juste de sortir spécial western sur le film hybride où que ça touche un peu d'horreur, un peu de drame. Ça s'appelle Brimstone. avec Dakota Fanning et Guy Pearce. C'est un film qui se fait beaucoup parler, qui est passé par contre inaperçu, puis ça risque de se retrouver dans plusieurs tops de cette année, fait à surveiller. Fait que si ça vous intéresse, allez écouter l'épisode. Cool, pose... Vicky, toi de ton côté. Oh, excuse-moi. Moi, j'allais dire à Steven, je pose souvent la question, mais vas-tu être disponible bientôt sur iTunes, le podcast? C'est fait. Fait que, autrement dit, on attend juste la confirmation, mais on a fait toutes nos démarches. OK, super. Mais ça peut être long des fois. Malgré que je pense qu'ils ont amélioré le processus, ça reste peut-être moins long qu'à l'époque. Okay. Vicky, toi? Ben, en plus de faire des excellents bruschettas, ça se pourrait que j'ai mis du gras partout sur mon écran reprenne. Je ne peux rien garantir, mais je me suis fait approcher par deux cinéphiles slash clients slash amis slash auditeurs qui trippaient, tu sais, ils trippent un peu podcast, mais ils n'en ont jamais vraiment fait, mais ils en écoutent, ils trippent cinéma, tu sais, c'est du monde qui vient en capsule juste pour jaser. Je leur ai dit, ben, tu sais, si ça vous tente, on recommence, on s'enregistre, puis on fait quelque chose comme ça. Tu sais, c'est teinté par moi, c'est moi qui l'anime, c'est moi qui le contrôle, c'est moi qui amène les conversations, qui amène les sujets, puis qui dirige un peu où ce que je veux aller. Fait que ça sera pas très loin de j'ai mis du gras partout sur mon écran, puis ça va être très ludique, surtout que j'en ai un qui est très, très sérieux, très à cheval sur ses. Puis je suis tout le temps à dire, ah, oh, c'est-tu qu'on s'en fout? Ah, oh, c'est-tu qu'on. Parce qu'il fait ça la journée longue, bien passer des heures à capsule, me parler. J'ai parlé, j'écoutais Lac Placide, là, puis là, il m'a parlé de Brigitte Fonda, la fille de l'autre de Fonda, puis là, ils ont fait un. Puis là, une demi-heure sur le lien entre elle et son père. Une demi-heure! J'en ai rien à battre! Fait que c'est ça. On le salue. Il me fait. Mais non, mais il fait rire, puis il sait, tu sais, que. Il me l'a dit, il dit, va tellement falloir que tu me ramènes. T'sais, c'est pour ça que je me permets de le niaiser un peu, parce qu'il va tellement falloir que tu me ramènes. Fait que, t'sais, c'est moi qui vais quand même chapeauter tout ça, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais c'est sûr que je vais utiliser le fil RSS déjà existant de GMI. Ah oui. Alors, vous n'avez qu'à essayer de voir si vous pouvez encore le suivre, et peut-être qu'il va y avoir un épisode qui va popper éventuellement. De toute façon, tu as une page Facebook. Oui, j'ai encore la page Facebook. Bon. J'ai mis du gras partout sur mon écran. .podbean.com. C'est un nom long, mais au moins c'est pas, tu sais, c'est exactement pas de faute là. J'ai mis du gras. Fait que c'est pas trop compliqué à trouver là. Je suis tombé sur des gueules ou deux, moi. C'est parce que tu mets j'ai mis, mais j'ai au lieu de du verbe là, mais tu fais juste la lettre G. Mais c'est pas ça, tu sais, c'est tel quel. Fait que c'est long, mais au moins c'est assez facile à trouver. Steven, c'est parce que ton autocorrect a fait « J'ai mis des glands partout sur mon écran. » Ça n'a pas... Alors, mais mine de rien, là, il y a Steven qui vient de se décoller son nouveau podcast, Vicky qui veut redémarrer du gros partout sur son écran, GF qui s'en va prendre un break. Moi, qu'est-ce qu'il me reste? Là? Bon, regarde, ben, il me reste que cette semaine, j'ai tourné un pilote pour faire de regarder des films. Pour restarter la chaîne avec un nouveau concept qui va venir se joindre à ce qu'on faisait déjà. Pour ceux qui connaissent, je faisais des critiques humoristiques de films. Mais c'est parce que moi puis un de mes amis, ben Fred, celui qui était mon caméraman, on va souvent au cinéma ensemble. Ben, d'ailleurs, je pense que 98% des films que je vois au cinéma, c'est avec lui. Puis, quand on revenait en char, on se faisait tout le temps une longue discussion sur le film. Puis tout ça, puis là, j'ai fait, ben... Écoute, on pourrait peut-être placer une caméra dans le char, voir ce que ça donne, puis faire une petite critique vidéo en revenant du cinéma. Genre, le temps de la critique, c'est le trajet pour se rendre jusque chez eux. Wow. Et on a fait un test de son, de lumière. Ça donne de quoi de correct. C'est très, très écoutable, très le fun. On regardera peut-être pour savoir un meilleur micro aller dans le futur, mais on devrait sortir notre premier épisode la semaine prochaine ou dans deux semaines. Tu sais que le dernier podcast sur la gauche, ça a commencé comme ça. Hein? Vous pouvez peut-être vous embarquer pour 10 ans. Là. Ouais, exact, exact. Mais non, c'est vrai que ça avait commencé. Le fun regard des films, la ride. Ah, The Ride, c'est bon ça. On cherche encore un titre. The Ride, non, mais le fun regard des films, la... Le fun regard des films, la ride. Mais en tout cas, moi, si tu me permets de t'écœurer un petit peu, j'ai vu sur mon fil Facebook, tu sais, fun regard des films, retentir. Puis j'ai dit, puis j'ai regardé dans les commentaires, j'ai dit, y'a-t-il encore quelqu'un qui écœure Seb en disant, ah, là, 3 ans, tu dis encore tu revenais, tu sais. Puis là, j'ai fait, ah non, c'est d'actualité. OK, il est vraiment en train de dire qu'il en parle. J'ai regardé la date, tu sais, y a-t-il quelqu'un qui a juste comme repopé, tu sais, des fois, tu écris un commentaire, ouais. Ça revient. Fait que Ah, Seb, t'en souviens-tu, puis là, un an, tu te dis encore, t'allais la repartir. Puis je fais, ah non, ok, non, pas cette fois-ci. Ah non, écoute, j'ai même fait un live. Écoute, c'est assez incroyable. J'ai fait un live Facebook pour l'annoncer. Non, non, ça s'en vient. Puis on va arrêter de rire des films qu'on déteste. On va rire des films qu'on aime. C'est plus le fun d'écouter un film qu'on aime deux puis trois fois pour écrire un épisode que de se taper des films qu'on haït puis qu'il faut taper encore parce que on veut continuer à écrire des gags. Donc, c'est ça. Bien hâte de continuer là-dessus. Sinon, ben là, il va rester Vicky, Steven et moi pour le prochain épisode. On dirait bien. La thématique, on sait déjà c'est quoi. On va parler de... Oui, on va vous parler de The Dark Tapes. L'anthologie, found footage... qui a passé. Tu l'avais-tu vu, Steven, Fantasia? Non, ben, c'était pas non, Fantasia, c'était. Requiem Fear Fest. Ouais, tu l'avais pas vu? Non, je l'avais pas vu. Ok. Mais c'est ça, donc j'avais fait des démarches avec les réalisateurs, puis on a reçu un screener, donc on va en parler dans deux semaines. Donc, étant donné que c'est une anthologie, on va probablement se concentrer là-dessus parce qu'on sait à quel point que des fois sur des anthologies on peut déraper bien bien longtemps, ça a donné des épisodes un peu trop longs dans le passé, donc on va se contenter pour une seule. Ben de toute façon, ça les fait envoyer, puis on va rester impartial, croyez-moi, quand j'haïs. Mais reste que tant qu'à s'avoir fait faire une demande, aussi bien y aller à fond puis y aller avec juste ça, tu sais. On va être honnête, on s'est fait demander de le regarder, de le critiquer. Ça serait poche de le combiner avec autre chose. Ça serait comme un peu ne pas prendre au sérieux la demande. Fait que moi, je suis contente qu'on fasse un épisode juste sur ça. Là. Ben, tu sais, c'est parce que si on faisait encore des critiques écrites, comme on avait si bien démarré sur le site, on aurait pu dire aux producteurs, aux réalisateurs, regarde, on va te faire une critique écrite, mais là, il n'y en a plus. Fait que. On va y aller avec une critique audio. De toute façon, je pense que ça va faire changement des styles de films qu'on écoute dernièrement. Là. C'est une belle rotation dans tout ça. Ouais. Puis, est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Je t'aime. Ben, je t'aime aussi. Group hug. Trouvez-vous un arbre. Hey, trouvez-vous un arbre. Oh, Steven et Sébastien dans un arbre. Ah non, mais sur ce, ben, Steven, je vais te dire au revoir. Au revoir, Sébastien. Vicky? Au revoir. Bye. Steven. Bye. Bye, Steven. Sac ton camp, Steven. Sac ton camp. Je pense que le message ne va pas être plus clair. Steven, bye. Bye, Steven. Bon, maintenant que Steven est parti, on parle du troisième film de la soirée. Non. Eh hey, ben Jeff, on dira pas juste bye, on va te souhaiter bonne chance à vous deux. Puis c'est comme le Loto Québec, ça change pas le monde, sauf que c'est ça. Ça change le monde, mais ça change pour le mieux. Donc on va vous souhaiter que ça se passe super bien, puis on a bien hâte de te revoir parmi nous très bientôt. Parce que tu vas voir, les films, il n'y en aura aucun qui va manquer de couleur ou qu'il n'y aura plus de référence de films qui datent d'avant 1985. Pas de films sous-titrés. Pas de films sous-titrés. Ça va tout être en français. Non, j'allais dire en français ou en anglais, mais non, Steven va nous arriver encore avec des asiatiques. Fait que ça, c'est correct. Oui, c'est correct. Ben oui. Toujours. Mais non, sans farce, Jeff, on a bien hâte de te revoir, puis on te souhaite la plus belle le plus beau des bonheurs avec cet événement qui s'en vient. Puis ben, Vicky, Steven, on se revoit bientôt. Puis les amis qui nous écoutent, gardez ça. Horreur.